des fois. Mes paroles lui ont fait de la peine. Je voudrais retrouver son pardon. Seul cette nuit, une main m'a montré la chapelle. Je voudrais retrouver son pardon. Je suis venu me mettre à vos pieds, implorer, ô Marie, la pitié. Elle est partie sur des mots dont j'étais le coupable. Je voudrais retrouver son pardon. Je suis resté tant de jours, tant de nuits à l'attendre, que mon cœur et mes yeux ont pleuré. Je suis venu me mettre à vos pieds, implorer, ô Marie, la pitié. Vous qui tenez dans vos mains tout l'amour de la terre, je voudrais retrouver son pardon. Vous qui pouvez d'un regard faire jaillir la lumière et donner à chacun tant d'espoir. Je suis venu vous faire confession et implorer.